Haut et bas, Dan Terral, une réalisation de Michel Sidorov. Quatrième épisode, poubelle. Dis Louise, quand on est descendu tout à l'heure, la première fois, ce passage entre le sixième et le cinquième étage, il était aussi escarpé que ça. Ben oui, le truc c'est que si tu avais bien voulu prendre l'ascenseur pour ton bazar de tous ces bouts de carton, on n'aurait jamais dû se payer cet escalier, puis aurait tu meurs. Et l'extincteur aussi, il était déjà là, planqué sous le rocher. Of course. Et ce que tu appelles un rocher, maman, c'est un compteur à gaz, il me semble. C'est dingue, ces parties communes, quand même. Imagine un peu, un véritable labyrinthe. Ça vaudrait la peine de compter tous les couloirs, tous les escaliers, toutes les issues de secours, toutes les portes à battants, tous les renfoncements, plus le local à poubelle, le local à vélo, le parking, sans parler du garage à chien, à chat, peut-être à rat. On t'abuse, là. Allez, vas-y, Lily, fais tes comptes, continue, et tant que t'y es, publie lundi ces résultats édifiants dans ta feuille de chou, elles en seront ravies, tes copines de la rédaction. Tu te fous de moi, mais je serais pas surprise d'apprendre que quelqu'un s'est égaré un jour dans ces parties communes, sans parvenir à retrouver la sortie. Et que ce quelqu'un y est même mort de faim et de soif, comme au beau milieu du désert. Dire qu'on va habiter là, on y habite déjà, figure-toi. Merde! Il est où le local à poubelle? Je reconnais plus rien, là. Fallait pas plutôt passer par la porte verte du premier sous-sol, c'est ça? Qu'est-ce que je vous disais? On aurait dû s'encorder. La base de tout déplacement en milieu hostile est de se mettre en rappel. J'ai des mousquetons au chalet. Mais non, c'est là. Arrêtez un peu de flipper, vous êtes saoulant à la fin. Comment échapper à la peur, ma loulou? J'ai si peur de me perdre. Ce grand ensemble immobilier. Il est plus insondable qu'on ne pense, tu sais. J'ai si peur de ne pas savoir revenir toute seule du local à poubelle. Si peur de ces murs de couleur claire, parfaitement lisses, imperméables, d'un nettoyage aisé, imputrescible aussi, comme préconisé dans tous les grands ensembles immobiliers. J'ai lu là-dessus un minimum de littérature, tu vois. Tout est calculé. Aucun droit à l'erreur humaine. Et entre ces parois, j'ai peur de tomber nez à nez avec un inconnu. Un voisin laid, une voisine au regard dur, un enfant pâle. Je ne saurais pas quoi leur dire. Je serais juste tétanisée. Mais tu sais, j'ai aussi la trouille de ne jamais croiser personne. C'est le sort de tous les grands ensembles immobiliers, cet anonymat. Et c'est notre sort aujourd'hui. Au fait, le gardien, vous l'avez vu, le gardien? Il est comment? Portugais. Ça ne change pas, mais de Lisbonne, hein. Pas de Porto. Au gardien, je vais mentir, je crois. Je ne vais pas lui donner mon nom. Demeurer mystérieuse. Rester floue sur mon passé et ne rien révéler de mes projets d'avenir. Ah, parce que t'en as. Je te croyais désespérée. J'ai le projet d'avoir la paix. Autant profiter de cette installation en moyenne montagne pour arpenter tranquillement les sentiers sans être interpellé à chaque bouse de vache. Oh, ma chérie, tu vas t'acclimater, c'est obligé. Tu vas finir par être contente. Tu t'y feras notre nouveau chalet, hein? Il croit m'amadouer encore. Il pense que je vais marcher. Depuis que je le connais, il a déjà réussi à me persuader plusieurs fois. D'abord de son amour, puis de son intelligence. Ensuite de mon amour pour lui, mais pas de mon intelligence. Et maintenant, il veut me faire croire à la joie. À la joie que je devrais ressentir à l'idée de vivre ici avec lui et notre fille. Dès le départ, il s'est aveuglé. Bon, moi je vous laisse maintenant, j'ai rancœur avec Agathe. Elle habite tout près, c'est trop cool ça. Il est déjà 17h passé, sweetie. Sois de retour pour 21h. Et moi, je remonte me mettre en jogging et je file à la salle de fitness. Un gars du 7e doit me montrer le fonctionnement de la Rotary Torso. De la Rotary Torso? C'est un instrument de torture ou quoi?